This song is for all my Caribbean girl, yeah. She be one of back at night. All around the road, put your drink in the air. Welcome to the Bacchanal. Tant qu'à rouler dans les cafés, ils allaient pour moi paix, ça allait. Travaille, y'a tellement ma caille décompressé. Pas trop moins collé, il qu'a crié aïe aïe. On me l'a en sac, mais il crié aïe aïe. En salassé, en travail mon nom. J'en la félié, mais en qui prend nouveau. En j'ai pas billé, là j'ai sa capa. Avec du rhum dedans, eh oui c'est bon, ah oui c'est bon, j'ai mon Clément, j'ai mon Nissan même.